commencer, je suis Moclès. Discret comme un dessous, je viens de Barbès. Au rarement mon Jégar me saoule. Tout d'abord, je suis rageur et je fais pas de cinéma, je serai vacciné. Je suis signé chez aucune major. Je suis ni à louer, ni à vendre, ni aujourd'hui, ni avant. Je compte ni avouer, ni me rendre. Je suis secret dans le son, tunisien dans le sang. Un parisien en dessous qui tente sa chance dans le champ. Oh vas-y, fais bédave, je suis la relève. Les vieux restent poussiéreux, même si on les relave. Moi je suis un simple commentateur. Quand je t'apporte le rapport, comment t'as peur? Je suis l'ennemi qui te veut du bien. Celui qui met du sien, qui apporte l'harmonie sans être un musicien. Je suis aussi celui qui se vautre. Seul Dieu punit les tuniques. Je reste un garçon parmi d'autres. Je suis malade, mais en voie de guérison. Complice du mal, je vois le monde qui se dégrade. Je suis blessé, mais je compte prendre le dessus. Je pense donc je suis et je vis, donc je suis déçu. On dit que je suis un calvaire pour ceux qui gouvernent. Moi je suis un homme des cavernes, un visiteur mais pas vert. Je suis celui qu'on mate sec. Au pareil qu'il faut que j'accède à un certain niveau social pour qu'il m'accepte. Moi je suis la résistance, détesté, je suis engagé. J'espère le rester toute mon existence. Je suis celui qui scande son slogan sur Scud. C'est pas difficile, c'est précis comme un missile Scud en Scred. J'avance, jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Peu m'importe ce qu'il pense, j'écris sur mes feuilles blanches toutes mes pulsions textuelles. J'avance, jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction.